la voilà, c'est l'intempestive. Aux armes, citoyens, gagnez les graines. Aux armes, citoyens, avec la responsabilité de ce lieu, qu'il soit vivant. La liberté qu'engendre la responsabilité du GEM, les amis de l'atelier du non-faire, que nous sommes ravis d'investir et de gérer. Aux armes, citoyens, prenez vos plumes et vos pinceaux et pouvoir agir sur le destin. Ma vie a changé. Mon combat s'est élargi et je ne suis plus seule. Nous retissons des liens et donnons le meilleur de nous-mêmes. Ne plus prendre des risques, être dans un milieu trop protégé, piloté par la psy, il n'y a rien de pire. Nous devons revenir dans la ville, avoir le droit à l'erreur comme tout être humain et nous pouvons aussi nous stabiliser. Pendant le 11e symposium de l'atelier du non-faire et du groupe d'entraide mutuelle des amis de l'atelier du non-faire, Joëlle était intervenue pour présenter le GEM. Elle ressemblait à une révoltée de la commune. Le visage fort, elle dégageait une énergie indomptable. Je l'avais revue au GEM autour d'une discussion avec François, Cyril, Simonetta, Clément, Jean-François et quelques autres. Pour survivre malgré ces problèmes. Bon, l'atelier du non-faire a été créé à Maison Blanche par Christophe Sabat, Salchabien Tiguet qui était là tout à l'heure. Ensuite, Maison Blanche va fermer le site de Neuilly-sur-Marne, donc il faut qu'on déménage. Donc on avait prévu pendant un certain temps de revenir sur Paris et on cherchait un local sur Paris. On voulait un local sur Paris pour pouvoir être à Paris. Quand on a créé les GEM, on a eu l'idée de créer un GEM, le GEM des amis. Son grésor était habillé comme un poète du 19e, très élégamment, avec un gilet rayé sans manches. Il parlait avec une autorité qui intimidait. C'est qu'on a commencé, par le non-faire à faire des choses à l'extérieur de l'hôpital, tels des rendez-vous dans des cafés et des théâtres le lundi matin, de se voir à différents endroits, parce que... pour ma part, il y a quelque chose où, en fait, une fois que tu as été hospitalisé, après, tu es un peu lâché dans la nature et tu es forcément mis un peu de côté. C'est assez dur de retrouver des relations, et ainsi de suite. Donc, le fait qu'il y ait ces cafés le matin permettait, en fait, à des gens de se retrouver sans avoir forcément... cette gêne qui peut exister, quoi, où on te dit « ouais, t'as été hospitalisé, machin », et puis en même temps, le fait de pouvoir s'entraider. Le principe est parti de là, sur des cafés, on a commencé à se voir, et puis à faire des choses, ça permettait de faire des choses en dehors des rendez-vous officiels, enfin, des cafés, de faire des choses ensemble, en dehors des cafés, et après, on a... avec le temps, les GEM se sont présentés, c'était... On a pu trouver un local. Parce que vous aviez quand même dans les cafés, parce que vous n'aviez pas de local sur Paris. GEM, c'est groupe d'entraide mutuelle. Donc il y en a pas mal en France, des GEM. Il y en a 300 sur Paris à peu près, il y en a 30 ans en France à peu près. C'est des structures qui sont totalement indépendantes ou qui sont adossées à... Ça dépend de la date, ça dépend de l'ministère de la Santé. Ça a été créé sur une circulaire de 2005 du ministère de la Santé et c'est la DAS qui gère ça. Oui, c'est la DAS qui nous donne l'argent et nous devons rendre des comptes à la DAS sur les dépenses. Mais c'est nous qui gérons après. C'est un conseil d'administration aussi qui gère l'association. GEM, on a un conseil d'administration qui est formé d'adhérents du GEM. Il y a un bureau, il y a une assemblée générale qui se tient régulièrement. Et on élit le conseil d'administration et le bureau. Et ça gère, on gère ainsi le GEM. Donc en fait, on avait déjà des activités telles que faire de la lecture, de la musique, des soirées, des expositions et autres. Et que en fait, le GEM est arrivé après ça, où se sont sont pour la plupart les mêmes personnes qui s'y retrouvent, quoi. Et là, vous dites, on est lié à un conseil d'administration et tout ça, c'est eux qui gèrent nous-mêmes l'argent et tout. C'est-à-dire, c'est plus les soignants qui sont à la, qui gèrent entièrement le. Il n'y a pas de soignants pour gérer le GEM, c'est les adhérents, qui sont en santé mentale, qui gèrent le GEM. Entièrement. Entièrement. D'accord. D'accord. Et là, par exemple, y a, qui est-ce qui vient au jeune de la, des amis de l'atelier du non-faire? Il y a combien de personnes? Ils viennent d'où et tout ça? Bon, écoutez, il y a à peu près une cinquantaine de personnes, à peu près. On est peut-être fréquenté par 80 personnes. Il y a 50 adhérents, à peu près. Et une vingtaine de personnes qui viennent régulièrement. Oui, une vingtaine de personnes qui viennent régulièrement. Et l'atelier du non-faire s'était rattaché à l'hôpital de Maison-Blanche. Le GEM des amis de l'atelier du non-faire, et c'est complètement déconnecté. Le GEM est totalement indépendant de Maison-Blanche. D'accord. C'est indépendant, c'est deux associations différentes, mais c'est les mêmes personnes qui vont dans un lieu et dans l'autre. Ça a été un moyen de justement collaborer pour des choses ou de faire. De pouvoir au moins avoir des confrontations avec des gens sans avoir cette. Cette vision de maladie où tu as quelqu'un qui va porter un jugement comme ça à la base, enfin au départ du truc. Mmh. C'est peut-être la spécificité même des GEM, c'est que c'est pas un endroit. On retrouve son autonomie, ça sort son le principe de décision, notre autonomie, et une entraide les uns vis-à-vis des autres. Bien sûr, si on a quelqu'un qui est vraiment dans une situation qu'on peut pas aider, on va l'envoyer chez son médecin, on n'est pas complètement dû. Parce qu'en réalité, une fois que tu sors de l'hôpital, il y a un réel isolement. Enfin, moi, j'en ai parlé à plusieurs personnes, où en fait, les gens que tu pouvais connaître avant, les connaissances que tu pouvais avoir, te regardent différemment, tu es mis de côté assez rapidement. Oui. Les GEM se créent pour rompre l'isolement et la solitude. Mais les GEM fonctionnent en dehors de tout cadre thérapeutique et de protocole de soins. Il n'y a pas de. Il n'y a pas d'infirmier, il n'y a pas d'infirmière, il n'y a pas de. Du moins professionnellement, ils ne travaillent pas ici comme infirmier, comme psychiatre. Même s'ils viennent nous voir, nous rendre, ils ne travaillent pas ici professionnellement de leur métier. On accepte les psychologues. En herbe. Les psychologues, ils ne font pas de psychologie professionnellement. Mmh. La psychologie, tout le monde en fait, alors un peu plus voilà. Ou un peu moins. Mais par exemple, Simone, déjà toi, t'es psychologue, et t'es dans le GEM, t'as exactement le même rôle que n'importe quel autre adhérent du GEM. C'est une situation assez compliquée et originale. Disons que c'est insolite qu'au sein du GEM, il y ait un psychologue. D'accord. Disons que pour l'histoire de ce GEM, comme le GEM est issu de l'atelier du non-faire, qui était une structure de l'hôpital Maison-Blanche, et il y avait un travail qui durait depuis plusieurs années, il y a eu une convention avec l'hôpital de Maison-Blanche de mise à disposition de moi et de Christian aussi, qui travaillons à l'atelier du non-faire, dans un souci de continuité, etc. Donc c'est une convention spéciale que nous avons, que ce GEM a avec un établissement de santé. D'accord. Les autres GEM... Et tu détaches sur le GEM. Voilà. Comme la maison de la vague, en fait, c'est des GEM plus traditionnels qui fonctionnent selon le mode habituel, c'est-à-dire d'embaucher le GEM lui-même des animateurs. Après, les animateurs peuvent avoir des fonctions, des formations diverses, et en général, ils sont, La psychologue, éducateur, spécialité. Voilà, et la fonction d'animateur est assez, pas très très valorisante. En général, ils sont plus formés que ceux que... Parce que par exemple, moi je suis animateur. Simonetta riait souvent, pour désamorcer une tension naissante ou pour recadrer une discussion. Et tout à l'heure, dans la discussion avec la personne de la mairie, là, où vous allez organiser une expo, vous parliez de casser du rôle du GEM pour casser la stigmatisation vis-à-vis des personnes qui ont été hospitalisées, etc. Vous pourriez parler un peu de... Oui, parce que les GEM sont un pont entre l'hôpital dont on vient et le monde extérieur. c'est un endroit, c'est le GEM, c'est un endroit dont on peut sortir de la psychiatrie. Sortir de la psychiatrie, c'est notre désir de sortir de la psychiatrie. Il y a des gens qui sont restés très longtemps et ils ont un désir d'en sortir, de retrouver la vie normale, de retrouver le monde extérieur, de retrouver une vie de citoyen à part entière. Il faut déjà avoir un bilan. Et casser l'image du psy classique, qu'on est des incapables, quoi. Ça, c'est inadmissible, voilà, de trouver ce mot-là dans la bouche d'un psy. On est des incapables, on n'a pas de volonté, on n'a pas ceci, on n'a pas cela, et merde. Alors, qu'est-ce que vous faites dans le GEM? Qu'est-ce que le GEM des Amis de l'Atelier du Non-Faire, quels sont les... Qu'est-ce que je fais? Moi, je fais rien, c'est tout. Alors, les GEM ne fonctionnent pas du tout comme les hôpitaux de jour, les CCP, les ateliers thérapeutiques. Il n'y a pas un directeur, responsable, etc., qui décide de telle heure à telle heure, on fait telle activité, tel jour, on fait tel truc, vous venez à telle heure, vous repartez à telle heure, etc. Non, on vient quand on veut, on ne fait pas n'importe quoi, il ne faut pas qu'on casse les carreaux et qu'on renverse par terre et de l'essence. Mais en dehors de ça, on peut faire ce qu'on a envie de faire, et les activités sont à l'initiative des gens qui composent de GEM. C'est-à-dire que par exemple, s'il y a 3 ou 4 personnes par exemple, qui disent, par exemple, on a envie de faire de la peinture, on envisage de quelle façon il est possible de faire de la peinture. S'il y a 3 ou 4 personnes qui disent, on a envie de faire de la musique, on voit de quelle façon ils peuvent faire de la musique. S'il y a 3 ou 4 personnes qui veulent faire de la lecture de texte, on voit de quelle façon ils peuvent faire de la lecture de texte. S'il y a 3 ou 4 personnes qui ont envie de travailler à l'ordinateur, ils travaillent à l'ordinateur. S'il y a 3 ou 4 personnes qui ont envie de faire autre chose, du modelage, ils travaillent sur le modelage. Vous voyez, les activités se naissent à l'initiative des adhérents du GEM et meurent aussi par manque d'activité. Si par exemple il n'y a plus personne pour faire une activité, l'activité disparaît et on en fait naître une autre. Les activités, c'est les adhérents du GEM qui sont à l'origine des activités. C'est aussi une entrée libre pour ceux qui n'ont envie de rien faire. Ça leur donne un peu d'oxygène de voir que. Ouais, 15 euros quand même. Individualité. 15 euros, d'accord. 5 euros par an et 10 euros pour payer le café. Ça, c'est un lieu de rencontre en fait. C'est un lieu de rencontre, c'est ce que je voulais dire avant qu'on me coupe la parole. Jean-François souriait toujours. Il racontait souvent la même histoire, celle d'un chien qui avait changé son destin. C'est ouvert de 10h jusqu'à 18h. C'est ouvert même le samedi, si je comprends bien. Je pensais que le week-end, il n'y avait personne. Si, non, ça dépend. Samedi. Des fois, il peut y avoir événement, mais ah oui, d'accord. Parce que l'intergène aussi, et voilà, samedi. Ça va avoir le 21. Ouais. Donc là, ça réunit les responsables. Des membres de plusieurs GEM. D'accord. Et là, on va créer un magazine. On peut en parler aussi. Oui. Un magazine qui paraîtra 2 fois par an au début, qui s'appellera numéro 0 pour purement administrativement parlant, présenter cette revue à toute une hiérarchie de bon droit. De 58 pages. Ça fait 58 pages et ça permet à des gens de s'exprimer et se lancer dans la mer du langage alors qu'ils n'osaient pas, peut-être à la Maison Blanche, dans le non-faire de l'hôpital. Quoi. Moi, je trouve que tu devrais expliquer ce que ça va être l'intergem. Explique-le toi. Mais non, moi, j'en sais rien. L'intergem, c'est la réunion de plusieurs gem sur un lieu de gem particulier. Par exemple, on va se réunir à plusieurs GEM qui viennent de géographies différentes, de Paris ou même de l'extérieur. Avec des fonctionnements différents. Qui se rencontrent ici. Et on échange nos points de vue, on échange nos expériences, on échange nos idées, on échange nos projets, on échange nos trucs. Ça permet de prendre contact entre différents GEM et d'établir des liens et d'aller fréquenter d'autres GEM que celui-là. Ça permet d'établir des relations et d'être plus fort. On est plus fort à plusieurs que tout seul. Parce que tout à l'heure, ouais, vous m'avez dit qu'il y a un GEM qui est juste à côté. Oui, la maison de la base. Du coup, en fonction de quoi, en fait, les gens ils vont dans tel ou tel GEM? Bah, ça dépend des affinités qu'on a avec le. Parce qu'un j'aime, c'est une création, la relation, de toute façon, c'est une des création. Des fois, ça dépend aussi de l'association qui était au départ du j'aime. Parce que souvent, il y a une association porteuse qui est au départ du j'aime. Ici, il n'y a pas d'association porteuse, mais il y a quand même eu l'atelier du non-fer, quand même, qui recrutait pas mal de monde, sur Maison Blanche. À la Maison de la Vague, il y a l'association La Vague à l'âme qui a été formée à partir des gens qui étaient adhérents à Espérance Paris. Espérance Paris, c'est l'association qui est rue d'Arcet, à côté de la même coin, à côté de la place Clichy, qui se préoccupe de trouver des logements pour les gens qui ont été en psychiatrie. Et ils ont recréé une association La Vague à l'âme, et après, à partir de l'association La Vague à l'âme, on a créé le j'aime de la Maison de la Vague. Donc des fois il y a l'association de départ qui puis après il y a des gens qui sont venus plus oreille. Il y a l'élan retrouvé qui nous permet de gérer au niveau de l'argent, qui nous permet de gérer, qui font pour l'instant font notre compte parce qu'on les fait pas tout seul. Oui, mais ce qu'il faut dire, c'est que en fait les locaux dans lesquels on est, rue Truffaut, c'est des locaux que nous avons trouvés nous-mêmes. Sans l'aide d'autres personnes que le GEM des amis de l'atelier du Montfer. À partir du moment où on a eu la subvention, on a cherché un lieu pour avoir un local. Le matériel utilisé, c'est notre choix au niveau du GEM. Enfin, voilà. C'est une indépendance. C'est une indépendance et... On retrouve un savoir-faire, un savoir-vivre dans la société. On prend le métro, on prend l'autobus, il y a des gens qui sortaient plus de chez eux. C'est vraiment, c'est relancer, c'est nous permettre de rebondir dans la société et retrouver une humanité qu'on était en train de perdre. En parlant de ça, le fait de se retrouver dans un GEM permet aussi d'avoir un droit de savoir, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément informé sur tout et ça permet de savoir un peu où est-ce qu'on peut se retrouver administrativement, au niveau de voir à peu près en fait où on en est même nous-mêmes par rapport à dans la relation par rapport à ce truc de post-hospitalisation et de choses comme ça quoi. C'est important. Ça permet d'avoir un autre regard plutôt qu'un isolement. Quoi. Arrête, mais t'as une pendule dans la tête, mais moi je vis pas comme ça. Hein. Il est l'heure de se. Va falloir que t'apprennes à vivre, François. T'as pas vu. Et alors, il faut laisser les gens s'exprimer. Oh ben. Comporte-toi en homme civilisé. Civilisé comme ça, moi. Oh bah, tu sais, des fois. Comme je suis. Oh bah oui, ça doit le faire, mais des fois tu crains. Je suis un franc-voile ici. Des fois tu crains. Je suis pas content de m'aller. T'es pire que moi et pourtant faut le faire. Ouais, d'accord. Maintenant il a faim, faut que je vienne lui chercher à bouffer. C'est quand même terrible. Ben il est midi, il est midi. Eh oh, on est là. On est tous dans un cheminement. On se fréquente, on se côtoie, on travaille ensemble. Et quelque part, il y a un truc un peu familial qui se crée. Depuis toujours, peut-être parce que quelque part, on est un peu déraciné de certaines choses. Alors, on se réenracine dans un travail. On est dans une perspective toujours, il y a toujours ce nom qui revient. Un nom à ceci, un nom à cela, un nom faire, un non-lieu, une non-action. Quelque chose qu'on n'a peut-être pas le droit d'avoir comme les autres au même moment. Parce que je sais pas quoi, c'est pas les parce que qui comptent, mais il y a une notion de négation et que je pense que les gens, ça les interpelle beaucoup de savoir pourquoi nous on est dans une appellation comme ça. Que tout le monde est à un moment donné dans cette envie de pas vouloir forcément se définir. Être un peu anonyme. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Marianne peignait. Et elle était toujours à mi-chemin entre la présence et l'absence. Non, mais c'est intéressant parce que moi je m'interrogeais. Enfin, je trouve que le nom Atelier du Non-Faire, c'est un très beau nom. Oui, c'est beau, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Tu vois? Et à partir de là, Moi, je sais pas, j'ai commencé à me poser cette question bien avant de connaître le non-fer parce que je voulais créer des non-lieux. J'étais dans un espèce de halo où je me sentais dans un non-lieu. Du coup, j'ai commencé à écrire sur ça et sur un auteur de théâtre il y a très longtemps. Ouais, ça s'efface. Tu dessines et t'effaces J'efface, mais je crée une matière. Une matière, c'est une base. Okay. C'est quelque chose que je fais pour moi-même. Toi aussi, par rapport à ce jam, il y a cette idée, je sais pas, qu'on a pas, cette fonction dont on n'a pas trop parlé, la fonction de visibilité aussi, parce que c'est quand même aussi un lieu d'exposition, et c'est, je sais pas si c'est, on peut assimiler ça à une galerie, mais même le fait que ce soit une vitrine comme ça, bon, en plus, il y a la chance d'avoir le truc artprice.com au-dessus. Mais, Clément parlait toujours d'une voix douce mais ferme. Il avait monté l'atelier de la radio Non-Faire. C'était lui qui m'avait fait découvrir le GEM. Ça, c'est pas spécifique à tous les GEM. C'est pas spécifique à tous les GEM. C'est nous qui avons préféré en fait prendre prendre quelque chose avec une devanture, avec une devanture sur la rue. Soit c'était ça, soit c'était plus un atelier. Et en fait, c'est vrai que c'est important aussi de pour quelqu'un qui peint ou qui s'exprime graphiquement de pouvoir montrer ce qu'il fait. Donc en fait, une exposition différente à peu près une fois par mois. Les gens du quartier sont disposés avec nous et ça c'est vraiment bien. Le lien commence petit à petit. On va refaire du lien. Mais il faut du temps, il faut de la patience et de la bonne volonté. Voilà, on est. Ouais. Je prends trop. Moi, je m'achète une pizza, François. D'accord. Moi aussi. Ah bah voilà. Non, mais c'est ça. On peut créer d'autres ateliers. Il suffit qu'une personne soit compétente sur un sujet et hop, on crée un nouveau atelier. Et puis pour un mec qui écrit de la poésie, qui ne peut pas éditer ses poèmes. Ouais, mais il faut pas y aller tout seul, ça va bien. C'est l'occasion de s'exprimer devant. Ça peut être intéressant ce truc de la spécificité aussi qu'il y a ici de faire sur les trucs de la recherche par rapport au savoir de l'usager, tout ça. Je sais pas si toi tu sens plus d'en parler. Parce que là, au niveau de l'État actuellement, on a beaucoup plus un discours de psychiatrie du 19e siècle ou même d'avant, quoi. On y va, Yael ? Où ils prônent le retour à l'asile, où il y a une perception de la maladie mentale qui est... Pour une casse fromage. Ça va ? Ça va, 5 euros, ouais, alors c'est 1, 2... Donc il y a un discours actuellement au niveau de l'État qui est très violent en fait sur les personnes qui ont été en psychiatrie ou qui sont en psychiatrie. Où on parle énorme, beaucoup plus d'enfermement que d'autres choses, d'enfermement à vie y compris. Là, une expérience comme celle que je découvre dans le GEM, on est à des années-lumière de ça, c'est la réappropriation par les personnes qui sont en psychiatrie des moyens de leur existence, des moyens effectivement de savoir, comme tu disais Cyril, ou de... C'était aussi pour promouvoir un peu les artistes du non-faire, c'est pour montrer un peu ce qu'ils font, de pouvoir exposer régulièrement. Oui, mais par rapport au sujet dont elle parle, Juliette, c'est vrai que c'est un moment où il y a beaucoup de travail à faire, effectivement, de la part des associations comme des GEM. C'est une grande chance que ça ait été institué, d'ailleurs dans des temps où il n'y avait pas grand-chose à espérer par rapport au discours dominant. Et pourtant, il y a eu des réformes, donc depuis 2005, qui ont permis à une exigence qui était déjà là, mais qui n'avait pas vraiment de possibilité, de se mettre en forme et de prendre cette forme-là associative. Et donc, du moment où les personnes qui partagent une expérience qui est celle de vivre avec certains troubles plus ou moins graves ou avec des problèmes conséquents plus ou moins graves, parce que bon, les personnes qui ont un diagnostic de psychiatrie, ils n'ont pas seulement affaire avec leurs problèmes dus à leurs troubles spécifiques, mais ils ont affaire aussi à des conséquences de ça, le fait d'être plus ou moins exclu du monde du travail, le fait d'avoir des problèmes de logement, le fait d'avoir un réseau social qui se restreint pour des raisons diverses. Et le fait de se retrouver, de partager ça et de s'échanger aussi des informations pour éventuellement résoudre chacun ses problèmes en utilisant l'expérience ou les conseils des autres, c'est une grande ressource. Après, il y a un deuxième degré qui est celui de montrer le travail de l'association aux citoyens en général, et qui a effectivement une autre image de la même chose, et que cet artifice qui est créé par une médiatisation facile sur des faits divers sensationnels, en instrumentalisant des cas particuliers comme si c'était des généralisations et que toute la violence du monde doit être attribuée à la folie. Disons que voilà, les GEM, les associations d'usagers, ont un discours complètement différent et beaucoup plus réaliste, beaucoup plus concret. C'est-à-dire que les personnes, il y a pas mal de personnes qui ont des problèmes qui sont diagnostiqués comme troubles psychiatriques, mais ce n'est pas les personnes en entier qui sont complètement différentes. C'est-à-dire la folie, c'est un artifice concret de, comment dire, avec nos peurs, avec nos incertitudes, nos envies que tout soit clair, et effectivement l'être humain est beaucoup plus complexe, et il y a des aspects assez, on va dire, bizarres des fois, mais ça n'empêche qu'on reste dans l'ordre de l'humain, et que les choses bizarres peuvent être aussi une partie assez circonscrite de la vie des personnes. Pendant trop longtemps, la psychiatrie a réduit les personnes avec un trouble psychique à des cas psychiatriques. Et donc la totalité de la personne était annulée. De plus en plus, on peut remarquer que, en fait, les personnes qui ont un trouble psychiatrique, ils arrivent quand même à mener une vie normale malgré ça. Et par contre, le fait qu'ils soient stigmatisés à cause du trouble, ou qu'ils soient isolés, ou qu'ils soient hospitalisés longtemps, et qu'ils soient effectivement déconnectés d'une réalité de tous les jours, aggrave les difficultés. Et fait qu'il y a une certaine démoralisation, un certain isolement, un certain abandon de l'investissement de la vie. Et du moment où il y a des possibilités de recréer un lien social, on peut remarquer que les gens, après, ils ne vont pas si mal que ça. Ils peuvent plus ou moins garder des difficultés, mais on peut remarquer que les gens s'en sortent plus ou moins bien. Je pense que les usagers des GEM, les usagers en santé mentale en général, très rarement nient le fait d'avoir des problèmes, d'avoir des soucis liés effectivement à leurs troubles. Ce qui est remis en question souvent de la part des usagers, c'est le traitement que la psychiatrie réserve, avec toute une panoplie de pratiques qui sont effectivement archaïques. Les hospitalisations avec des sédations aberrantes, avec la mise en pyjama, avec les enfermements, l'isolement, l'interdiction de toute connexion avec l'extérieur, que ce soit un téléphone portable, accès à Internet, ou recevoir des visites, ou avoir un lien avec des amis ou la famille, ça, c'est des aberrations qui compliquent la vie des usagers. Et donc, je pense que toute personne qui a difficulté recherche de l'aide, mais a aussi besoin qu'il y ait une négociation autour de cette aide, et qu'il y ait une possibilité de réfléchir ensemble à quelles sont les choses les meilleures. Et aujourd'hui, on sait très bien que tout ce qui est de l'ordre de l'isolement et de l'enfermement fait plus de mal que de bien aux personnes. Donc ça, c'est aujourd'hui quelque chose qu'on ne peut pas nier. La psychiatrie, de toute façon, elle est liée à l'histoire de l'exclusion. Enfin, sa base, c'est lié à l'histoire de l'exclusion et à rien d'autre. Enfin, la création de l'asile, c'est lié que à un truc de séparer des gens de la société et pas d'abord lié à un lieu de soins pour soulager des souffrances ou je sais pas quoi. C'est d'abord lié à un geste excluant, quoi. Et c'est clair que dans un contexte où la demande de sécurité de la société devient infinie, on va dire, ou disproportionnée par rapport à la réalité du possible, c'est vrai que cet appel à la psychiatrie et au mandat de contrôle social de la psychiatrie et plutôt ce mandat sécuritaire revient. Et que, en fait, c'est le mandat le plus archaïque de la psychiatrie elle-même. Et toute notion de soins en tant qu'aide apportée par rapport à une personne en difficulté est oubliée, mise à l'écart, et on ne sait plus où on est. Je pense que c'est... Enfin, pour les stagiaires, c'est une chance pour nous d'être ici alors qu'on est en formation, parce qu'on est dans ce climat en ce moment... Qui alors qu'on est en train d'apprendre et tout, hein, peut-être un métier plus tard, et d'être ici, ça inverse complètement ce qu'on peut apprendre en cours, et ça nous permet de mieux comprendre vraiment ce qui se passe, et c'est une chance vraiment d'être ici. Disons qu'ici c'est beaucoup plus ouvert que le savoir universitaire. Ouais. Ça c'est clair. Et parce qu'on a quand même des cours encore où on dit alors le schizophrène c'est voilà. Comme si comme ça, comme si c'était une entité qui existe vraiment et comme s'il y avait personne derrière. Tous sont pareils. Enfin, on oublie très souvent, moi ce que je trouve horrible, c'est qu'on oublie les personnes. On n'entend pas vraiment une personne derrière, quoi. Il n'y a jamais de prénom, c'est. Attends, elle arrive. Voilà, on ressent peu l'humain derrière. Ça c'est. Et non, c'est vous restez 6 mois hospitalisé, par exemple, vous sortez dehors et vous prenez le bus, vous vous sentez complètement prenant les gens pour normaux parce qu'on perd le contact complètement avec la société et on a du mal à s'intégrer, même dans le bus. Dans le quotidien. Dans le quotidien, oui. Mais on voit les gens vraiment comme si on sortait de la lune, je ne sais pas. Et je crois que les usagers de la psychiatrie ont aussi été privés longtemps de droit de s'exprimer. Il y avait toujours un expert qui était censé savoir à leur place, et que ça commence juste en France avec cette chance que les GEM donnent, que en fait les usagers sont reconnus en tant que citoyens et finalement ils peuvent s'exprimer, raconter leur expérience et pouvoir affirmer aussi que la psychiatrie et ça peut être une partie de la vie, une expérience de la vie, mais c'est pas la vie entière, et que il y a quand même pas mal de ressources que les gens auxquels les gens font appel par soi-même, par leur entourage, les amitiés, etc. Et que c'est des ressources que la psychiatrie prend rarement en compte aussi. Et de là, l'incapacité que citait Joël au début, à laquelle la psychiatrie fait appel souvent, donc le schizophrène, comme disait Carole, et comme ci et comme ça, c'est des images de personnes et extrapolées de leur contexte, de leur réalité, où effectivement ils ne peuvent pas mettre en pratique leurs capacités parce qu'ils sont complètement extirpés. Ils sont plus sollicités de toute façon, donc si on est plus sollicité, on s'endort. C'est comme un bras, vous l'accrochez le long du corps. Vous lui faites tout rien faire pendant un mois, il ne peut plus bouger. Il faut faire de la rééducation après. C'est pareil. Bonjour, ouais. Bah donc le GER, c'est un lieu de rééducation. À qui je parle. Mais un lieu de rééducation peut être plus pour la société que pour les personnes qui viennent. Parce que les personnes qui viennent, finalement, se rééduquent elles-mêmes. Ou en tout cas, ils ont pas besoin de... Mais moi, je pense qu'on s'éduque toute la vie. Ouais. On a toute la vie pour s'éduquer. Non, c'est que c'est dans des lieux comme ça qu'on voit apparaître toute une richesse qui a toujours été là, comme dit Joël, qui fait partie de la vie, qui fait la vie, partie de la vie de chacun de nous, mais que dans des contextes trop ascétisés ou trop technicisés, comme on les prétend en psychiatrie des fois, toute cette richesse est empêchée de sortir et les ressources des personnes ne peuvent pas être exploitées. Non, mais non, mais si tu vas voir un psy et dans sa tête il se dit t'es schizophrène et t'es un handicapé, et déjà s'ils disent ils sont incapables de faire ceci, ils sont incapables de faire cela, ils ont pas de concentration, faut arrêter là, faut arrêter tout de suite d'être au psychiatre. Parce que c'est quoi, des garde-fous, c'est tout. Des garde-sous. Mais c'est non, mais privé de relations et de liberté, l'homme n'est plus grand chose, quoi. Même la liberté de se faire un café chaud, on ne l'a même pas. Et on peut dire que l'hôpital, c'est presque un lieu de vie pour certains malades. Et ils n'ont même pas la liberté de se faire un café quand ils en ont envie, ou une tisane. Mais donc, c'est vraiment pas un lieu de vie, il faut y rester le moins possible. Bien, j'ai fait partie du Non-Faire, l'atelier du Non-Faire, mais j'ai fait aussi partie de la maison de la Vague, et j'ai fait partie aussi du CGM Saint-Ivatini, je m'appelle M. Montanado, vous savez déjà, et j'écris sous le nom de Saint-Grégor. Alors, je vais vous lire un texte qui s'appelle « Monsieur le maire et le chat Angora ». Un chat Angora buvait à la gouttière l'encre noire d'une femme adultère, lorsque descendit derrière la mairie une gerbe d'étoiles éclairant le ciel bleu nuit. Monsieur le maire, assis dans un fauteuil Voltaire devant sa fenêtre, avait ce gilet rouge déboutonné, sous lequel on devinait un ventre énorme, produit des repas clôtureux qui se payaient sur les économies des contribuables du village. Plus loin, derrière l'église, une nourrice indigène, déposant son corsage, duquel j'éclat un gros sein doré, donnait la tétée à un nouveau-né, aux cheveux crépus qui mordillaient des quelques angelettes qui devaient et semblaient être les siennes, les tétons de la femme de couleur. Le ciel triste et grand comme la vasque des nuits teignait l'horizon d'ombre fantastique sous le miaulement rauque du chat Angora. La femme adultère grimpa à la gouttière d'une maison voisine pour escalader le mur d'une maison lugubre qui barrait une cour encombrée de détritus. Monsieur le maire éteignit la lumière de sa chambre, boutonna son gilet, enfila un veston et vérifia dans sa poche revolver qu'il avait son portefeuille. La nourrice indigène finissait d'abreuver de lait le bambin joufflu qui gigotait, repu et sevré de lait, sur ses genoux dépassant d'une jupe coupée dans un tissu de madras. Le chat Angora courut le long de la gouttière donnant sur une fenêtre éclairée, d'où on voulait voir la cour et la rue longeant la bâtisse, en miaulant pitoyablement et lugubrement jusqu'à ce qu'il tombe, hagard et morne, lépreux et pelé, dans le caniveau d'Arwen où coulait une eau emportant quelques immondices. Monsieur le maire, une canne à la main, se dépêchait d'atteindre la masure éclairée où la femme adultère, nue jusqu'à la ceinture, cheveux dégrés, faisait de grands gestes équivoques et obscènes pour le convier à monter au premier étage, le rejoindre sur sa couche pour commettre un acte que chacun devine. Il pleuvait, lorsque la femme indigène ouvrit son parapluie pour se protéger de l'orage et abriter le nourrisson qu'elle avait attaché dans son dos à l'aide d'un grand chat noir. Le chat Angora, craignant de se mouiller sous la pluie battante, courut entrer furtivement dans la masure par un trou béant dans la porte cochère en continuant de miauler hideusement. Monsieur le maire, que son ventre obèse empêchait d'être leste, monta au premier étage de l'escalier douteux où couraient des rats et des mulots, et frappa à la porte sous laquelle une raie de lumière laissait deviner une présence animée, humaine, si l'on peut dire. Une voix criarde et rauque hurla d'entrée avec des sons qui semblaient couper par un oreiller placé devant une bouche grande ouverte. Monsieur le maire ouvrit la porte et entra. La femme le regardait de haut en bas, le toisant entre ses criants. « Eh bien, Arthur, tu perds tes habitudes !» Il dirigea sa main droite vers sa poche revolver pour en extirper un portefeuille de faux marocain. Elle en rien saisi de la main gauche, l'ouvrit et en retira 20 euros. « C'est tout ce que j'ai !» s'écria-t-il. La femme adultère le disait, poussa un psy, suivit un poif, et continua, se levant en poussant son tombé sur le lit, de se dévêtir. Alors Arthur, qu'est-ce que tu attends? Monsieur le maire se jeta sur le lit, puisqu'il s'y coucha, aux côtés de la femme du terre. Il ne pleuvait plus. La nuit était noire et épaisse, et sous le nuage, on ne voyait plus l'étoile. La femme indigène partant en courant, il était tard près de minuit, se galopa sur le dos, versa une larme en pensant aux arbres des lendemains à venir. Alors Arthur s'écria à la femme du terre, tu as fait ton affaire, adieu, ou plutôt à la prochaine. Avec davantage d'argent, qu'elle paumée pour un maire, hurle-t-elle. Elle se rajusta, se rhabillant, pas bien que mal, ferma sa fenêtre, éteignit sa lumière et se plongea. Elle ralluma pour compter l'argent que M. le maire lui avait donné comme paiement d'un fait que vous avez deviné. Elle éteignit et s'endormit. Le village était sombre, la nuit était noire. Le Shangara traversa la rue dans la masure en courant. M. le maire, qui bien sûr disait être tout dévoué au bonheur de ses électeurs, pressa le pas. Remonta chez lui, alluma, se dévêtit et se coucha. Le Shangora, que l'orage n'avait pas trop entraîné, buvait l'encre noire de la gouttière de la masure de la femme adultère, tandis que dans le lointain, disparut la femme indigène avec son fardeau sur le dos. Donc, on va passer à la personne suivante. J'ai pensé aujourd'hui à lire, qu'on pouvait lire ensemble un bout de Foucault. Il y a un recueil des cours que Foucault a tenu au Collège de France pendant une dizaine d'années, dans les années 70, et qui est publié avec le titre de « Le pouvoir psychiatrique ». On ne va pas lire tout le livre, mais on peut lire juste le début pour décortiquer cette notion de comment le savoir et le pouvoir s'emboîtent pour... produire un phénomène qu'on peut reconnaître dans la psychiatrie, mais dans d'autres institutions aussi. Je lisais ce matin dans le métro et il y avait un passage qui m'avait frappé aussi concernant la notion d'objectivité. En même temps, dans ce passage que je vous propose, on parle un peu de Pinel et du traitement moral. Disons qu'on parle souvent de Pinel comme celui qui a délivré les fous des chaînes des prisons. C'est une image, souvent vous voyez des statues et c'est représenté par exemple. Mmh. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait Pinel? Il a dit que bon, les personnes soi-disant folles étaient en fait en vérité malades. Elle devait subir un traitement différent que le traitement des criminels. Et c'est à partir de... Foucault en parle pas mal dans le troisième chapitre, je crois, de l'histoire de la folie à l'âge classique. Et c'est le chapitre du grand renfermement. Et donc il y a à partir de ce moment-là quelque chose, bon, qu'on dit que Pinel a élaboré après, des critiques plus récentes disent qu'en réalité c'était Poussin et qui était son infirmier ou son bras droit qui a fait la plupart des choses. Mais bon. Donc Foucault parle un peu aussi dans la lecture que je vous propose de en quoi ça consistait ce traitement qui était, bon, moral veut dire en gros psychique pour le distinguer d'un traitement... physique. Qui est-ce qui veut lire la leçon du 7 novembre 73? Alors, leçon du 7 novembre 1973. Le sujet que je vous propose cette année, c'est le pouvoir psychiatrique. Un petit peu en discontinuité par rapport à ce dont je vous ai parlé les deux années précédentes, mais pas tout à fait. Je vais commencer par essayer de raconter une espèce de scène fictive dont le décor est le suivant. Vous allez le reconnaître, il vous est familier. Je voudrais que ces hospices fussent bâtis dans des forêts sacrées, dans des lieux solitaires et escarpés, au milieu des grands bouleversements, comme à la Grande Chartreuse, etc. Il serait souvent utile que le nouveau venu fût descendu par des machines qu'il traversa avant d'arriver à sa destination. Des lieux toujours plus nouveaux et plus étonnants, que les ministres de ces lieux portassent des costumes particuliers. Le romantique convient ici. Et je me suis souvent dit qu'on aurait pu tirer parti de ces vieux châteaux adossés comme contre des cavernes qui percent une colline de part en part pour aboutir à un vallon riant. La fantasmagorie et les autres ressources de la physique, la musique, les eaux, les éclairs, le tonnerre, etc. seraient employées tour à tour et vraisemblablement non sans quelque succès sur le commun des hommes. Ce château, ce n'est pas tout à fait celui où doivent se dérouler les 120 journées. C'est un château où doivent se dérouler des journées beaucoup plus nombreuses et quasi infinies. C'est la description d'un asile idéal par Fodoré, en 1817. Voilà, donc ça, c'est comme ça qu'on commence à imaginer l'asile idéal, à le théoriser dans ses... Idéal pour qui ? Idéal pour Pinel, qui le théorise. De toute manière, tous les gens qui font déjà des projets pour la psychiatrie, ils sont déjà un peu fatigués. Hein. Pour enfermer les autres, pour les mettre à l'écart, c'est déjà celui qui pense comme ça, il est déjà un peu fatigué quelque part. En même temps, je pense qu'on peut discuter avec Foucault des traces que ça a laissé dans la psychiatrie, que dans certaines pratiques n'a pas évolué depuis, et donc à la lumière de notre regard contemporain de société où certaines choses sont quand même acquises, ça fait effectivement... Acquises ? Oui. Je me pose la question. Mm-hmm. Quand je vois un Sarkozy, je me demande si c'est acquis. Mm-hmm. Et remis en question par la suite. Mais c'est clair que si, dans cette réflexion que Foucault nous propose, il faut voir combien de ces propos-là, qui sont archaïques par rapport à aujourd'hui, restent quand même dans la psychiatrie d'aujourd'hui et qui font justement le drame de la psychiatrie actuelle. Tu voulais de rajouter quelque chose, Marion, par rapport à ça ? Parce que moi, j'ai étudié ça l'année dernière pour mon mémoire, en fait. Mm-hmm. Tout Pinel et tout ça, et on m'avait dit de pas être trop dur avec Pinel, mais enfin, quand on lit les traitements, c'est assez hallucinant, hein. Les bains en mercure, les frictions, tout ça, c'est horrible. Et donc ça ouvre la voie aussi à plein de pratiques violentes qui ont été perpétrées à partir de là. Oui, mais face à la violence du délire, ils s'estiment en droit... on doit de répondre de cette manière-là. Il est là le problème. Face à la violence d'un délire, ils se permettent de nous foutre à poil, de nous attacher, de nous piquer, comme si on était, un papillon là qu'on va mettre sur une planche et qu'on va regarder comme ça. Mais c'est des malades, quoi. On a déjà tellement bavé dans l'enfance. T'arrives dans un lieu de chien, dans un lieu de chien, de soins. Très très bon tissu. Et on se permet de dire que c'est pour ton bien, que ça va te faire réfléchir, d'être attaché, tu vas te calmer, comme si ça dépendait de notre volonté d'arrêter la crise au doigt et à l'œil. À l'intérieur de ce décor, qu'est-ce qui doit se passer ? Eh bien, à l'intérieur de ce décor, bien sûr, l'ordre règne, la loi règne, le pouvoir règne. À l'intérieur de ce décor, dans ce château protégé par ce décor romantique et alpestre, dans ce château inaccessible autrement que par des machines compliquées et dont l'aspect même doit étonner le commun des hommes, à l'intérieur de ce château règne d'abord tout simplement un ordre, au sens tout simple d'une régulation perpétuelle, permanente, des temps, des activités, des gestes, un ordre qui entoure les corps, qui les pénètre, les travaille, qui s'appliquent à leur surface, mais qui également s'impriment jusque dans leurs nerfs et dans ce qu'un autre appelait les fibres molles du cerveau. Un ordre, donc, pour lequel les corps ne sont que des surfaces à traverser et volumes à travailler. Un ordre qui est comme une grande nervure de prescription, de sorte que les corps soient ainsi parasités et traversés par l'ordre. « On doit peu s'étonner, écrit Pinel, de l'importance extrême que je mets au maintien du calme et de l'ordre dans un hospice d'aliénés, et aux qualités physiques et morales qu'exige une pareille surveillance, puisque c'est là une des bases fondamentales du traitement de la manie, et que sans elle, on n'obtient ni observation exacte, ni une guérison permanente, de quelque manière qu'on insiste d'ailleurs sur les médicaments les plus vantés. C'est-à-dire que, vous le voyez, un certain ordre, une certaine discipline, une certaine régularité venant s'appliquer jusque dans l'intérieur même du corps, sont nécessaires à deux choses. D'une part, à la constitution même du savoir médical, puisque sans cette discipline, sans cet ordre, sans ce schéma prescriptif de régularité, il n'est pas possible d'avoir une observation exacte. La condition du regard médical, sa neutralité, la possibilité pour lui d'accéder à l'objet bref, le rapport même d'objectivité constitutif du savoir médical et critère de sa validité, a pour fonction effective de possibilité un certain rapport d'ordre, une certaine distribution du temps, de l'espace, des individus. À dire vrai, j'y reviendrai d'ailleurs. On ne peut même pas dire les individus, disons simplement une certaine distribution des corps, des gestes, des comportements, des discours. C'est dans cette dispersion réglée que l'on trouve le champ à partir duquel quelque chose comme le rapport du regard médical à son objet. Le rapport d'objectivité est possible, rapport qui est présenté comme effet de la dispersion première constituée par l'ordre disciplinaire. Deuxièmement, cet ordre disciplinaire, qui apparaît dans ce texte de Pinel comme condition pour une observation exacte, est en même temps condition de la guérison permanente. C'est-à-dire que l'opération thérapeutique elle-même, cette transformation à partir de quoi quelqu'un considéré comme malade cesse d'être malade, cela ne peut être fait qu'à l'intérieur de cette distribution réglée du pouvoir. La condition, donc, du rapport à l'objet et de l'objectivité de la connaissance médicale et la condition de l'opération thérapeutique sont les mêmes. C'est l'ordre disciplinaire. Mais cette espèce d'ordre immanent, qui pèse indifféremment sur tout l'espace de l'asile, est en réalité traversé, entièrement animé de bout en bout par une dissymétrie qui fait qu'il est rattaché et rattaché impérieusement à une instance unique qui est à la fois intérieure à l'asile et est le point à partir duquel se font la répartition et la dispersion disciplinaire des temps, des corps, des gestes, des comportements. Je t'interromps. Je ne sais pas si vous saisissez l'ampleur de cette critique. Pratiquement, il démonte dans ce passage la conception scientifique de la psychiatrie. Il démonte même la notion d'objectivité sur laquelle se fonde la science psychiatrique, et il dit que cette objectivité ne tient qu'à l'ordre établi et donc robotisation et au pouvoir. Foucault dit qu'en fait ce qui est objectif, en fait c'est l'opinion de celui qui a le pouvoir. Est-ce que vous avez réfléchi si qu'est-ce que ça vous évoque? Pourquoi les malades n'ont pas le droit à la liberté? Pourquoi les malades n'ont pas le droit à la liberté? Parce que là, c'est la suppression de toute liberté, de toute initiative, mm-hmm. donc de toute guérison. Mm-hmm. Pourquoi malade, c'est aussi, ça peut être de la liberté. Qu'être malade, ça peut être une forme de liberté aussi. Être malade. Hein? Être malade, ça peut être une forme de liberté aussi. Pourquoi pas? Ça dépend. Ah non, moi je suis complètement malade alors. Ça dépend quelle forme revêt la maladie, mais ça peut être aussi un espace où on peut imaginer les choses, hein, d'être malade. Donc j'ai appris à être hypocrite, à vivre en société, à sourire à des gens qui ne me plaisaient pas. Je vais beaucoup mieux depuis que je suis hypocrite. Depuis que j'ai arrêté de dire la vérité à tout prix, je vais beaucoup mieux. Mais quand j'avais pas de masque, je me prenais des coups à tous les coins de rue. Et c'est vrai qu'il faut, y a que les fous qui vivent sans masque, de toute façon. Ok. Cette instance intérieure à l'asile est en même temps elle-même dotée d'un pouvoir illimité auquel rien ne doit résister. Cette instance, inaccessible, sans symétrie, sans réciprocité, qui fonctionne ainsi comme une source de pouvoir. Élément de la dissymétrie essentielle de l'ordre, qui fait que cet ordre est un ordre toujours dérivant d'un rapport non réciproque de pouvoir, eh bien, c'est évidemment l'instance médicale, qui, comme vous allez le voir, fonctionne comme pouvoir bien avant de fonctionner comme savoir. Parce que qu'est-ce que le médecin? Eh bien, le voilà maintenant qui apparaît une fois que le malade a donc été porté à l'asile par les machines surprenantes dont je vous parlais tout à l'heure. Oui, tout ceci est une description fictive. En ce sens que je la bâtis à partir d'un certain nombre de textes qui ne sont pas d'un seul psychiatre. Car s'ils étaient d'un seul psychiatre, la démonstration ne vaudrait pas. J'ai utilisé Faudéré. C'est grave, hein. J'ai utilisé Faudéré, le traité du délire, Pinel, le traité médico-philosophique sur la manie, Esquirol, les articles réunis dans Des maladies mentales et Aslam. Alors comment donc se présente cette instance de pouvoir dissymétrique et non limité qui traverse et anime l'ordre universel de l'asile? Voici comment elle se présente dans le texte de Faudéré, le traité du délire, qui date de 1817. Un beau physique, c'est-à-dire un physique noble et mâle, est peut-être en général une des premières conditions pour réussir dans notre profession. Il est surtout indispensable auprès des fous pour leur en imposer. Des cheveux bruns ou blanchis par l'âge, des yeux vifs, une contenance fière, des membres et une poitrine annonçant la force et la santé, des tressaillants, c'est un une voix asile, forte, hein, le mec. Telles sont les formes qui font en général un grand effet sur les individus qui se croient au-dessus de tous. Sans doute, l'esprit est le régulateur du corps, mais on ne le voit pas d'abord. Il a besoin des formes extérieures pour entraîner la multitude. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Ouais. Impressionnant. Moi, je me méfie toujours de la beauté. Je trouve ça suspect. Mais ça n'existe pas, non ? Mais c'est toujours vrai, à la télé, ils embauchent que des mecs au physique agréable. Peut-être qu'il y a eu un progrès dans la société, moi je suis sûre, quelque part. Mais en même temps, on vit dans une époque dangereuse parce qu'on a, tout le temps des tentatives de trouver des boucs émissaires à des choses. Et les pouvoirs publics, ils deviennent le porte-parole aussi de ces tentatives de trouver des boucs émissaires. Je trouve qu'il y a des régressions à plein de niveaux. Tout ce qu'on dit sur les étrangers sans papier et ce qu'on leur fait subir, c'est quand même assez honteux. Bon, on a des propos comme ça sur les races. On a assisté à toute une campagne de discrimination de la part du président de la République aussi sur les jeunes de banlieue. On a de tous les côtés. Et là, maintenant, on attaque avec les personnes atteintes de troubles psychiques et ils deviennent des criminels. Les gens de banlieue aussi, oui. ils étaient devenus systématiquement des criminels. 12 prisons, il va construire pour mettre les jeunes. Les décrets ont été signés. Hein, on a eu beau avoir une levée de bouclier, les décrets sont signés. Donc on en est à un point quand même, disons qu'il faut pas mal faire attention parce que ça me semble assez d'actualité tout ça. Et voilà, bonne lecture. C'était cool. Oh, poems no less. Poems, everybody. Money gets back. I'm all right, Jack. Get on with your wife. Repeat after me. We don't need no thought control. Alors je vais vous raconter une histoire qui s'est déroulée en 1991. Une histoire vraie, c'est pas paranoïaque, c'est pas inventé, c'est une histoire vraie. Et je l'ai appelé le Labrador miraculé. Un jour, à 2h du matin, à la sortie du Gibus à République, trois jeunes gens viennent me demander si je peux garder le chien qui, depuis les Halles, les suivent. Ils habitent l'hôtel, ne peuvent pas le garder. Un labrador brun, sans collier et sans tatouage, je ne pouvais pas refuser. J'incline une poubelle et je trouve au-dessus une longue ficelle. Je l'attache et après avoir acheté une boîte, nous voilà arrivés chez nous. Chez moi, un studio de 23 mètres carrés, au quai GMAP. Il fait vite l'inspection des lieux et semble s'installer sous le bureau après avoir englouti le contenu de la boîte. Je décide que demain, je l'amènerai aux Halles en métro. Ce que je fis, car elle peut retrouver son maître. À Beaubourg, je regarde un mime au ralenti, que je trouve très beau, et le chien s'échappe. Je suis à la fois heureux et triste. Je rentre donc chez moi en métro, seul. Le lendemain matin, je vais boire mon café au bar habituel, lorsqu'un copain me dit « Tu n'as pas perdu ton chien ?» Et pour savoir ce qui s'est passé le lendemain, il faudra que vous alliez sur www.intempestive.net où vous retrouverez d'ailleurs bientôt l'intégralité de cette émission. C'était donc la seconde partie d'un documentaire sur l'Atelier du Non-Faire et le groupe d'entraide mutuelle des Amis de l'Atelier du Non-Faire. Cette émission sera rediffusée mercredi 27 mai à 10h sur FPP. Et dans l'immédiat, ne quittez surtout pas puisque c'est la salle 101. Et à quoi vous a servi, monsieur Artaud, cette radiodiffusion ? a dénoncé un certain nombre de saletés sociales officiellement reconnues et recommandées.